Forcemajeure.com, exercice de relaxation en ligne. Couchez-vous sur le dos, jambes et bras écartés. Fermez les yeux. Consacrez maintenant quelques minutes à détendre tout votre corps, des pieds à la tête. Respirez profondément par le nez. Bloquez l'air dans les poumons 2 à 3 secondes. Expirez ensuite profondément par le nez. Respirez ainsi consciemment quelque temps. Relaxez les muscles de votre corps. Votre cuir chevelu. Les muscles de votre front. Les paupières, les joues, les mâchoires, le cou. Les muscles des épaules, laissez tomber les épaules, les muscles des bras, détendez les mains. Le dos. Le ventre. Détendez vos cuisses. Les jambes. Les chevilles, les pieds, votre corps est parfaitement reposé, détendu. Imaginez que vous possédez une magnifique maison, toute ronde, toute en harmonie. Vous pénétrez à l'intérieur. il y a tout autour de nombreuses pièces. Vous n'ouvrirez que les portes des pièces les plus importantes pour vous. Ouvrez la première porte. Elle vous fait pénétrer dans une pièce où se trouvent manifestées toutes les expériences difficiles que vous avez vécues dans votre existence. Ce lieu vous permet de nettoyer de tout ce que vous avez vécu et qui n'a plus aucune utilité à ce jour. Essayez de voir tout ce qui n'est plus utile. Tout ce qui a pu créer en vous des souffrances, des révoltes, tout ce qui vous a paru injuste. Chaque fois que vous découvrez une expérience, inondez-la de lumière, annihilez-la dans la lumière et dans l'amour. Elle ne vous appartient plus. Petit à petit, votre pièce se vide. Maintenant, se présentent à vous toutes les expériences agréables. Tout ce qui a pu vous apporter du bonheur, de la joie. Imprégnez-vous-en. Sortez et prenez la porte à côté. Ouvrez-la et entrez dans une nouvelle salle. Elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse que la première. Vous y rencontrez un être qui vous demande : qu'est-ce qui est important pour vous ? Essayez de réfléchir et de comprendre ce qui est important pour vous. Sortez de cette salle et entrez dans la suivante. Elle est encore plus lumineuse que la précédente. Un être vous y accueille avec un grand sourire et vous pose la question : quels sont vos désirs humains et spirituels profonds ? Essayez de réfléchir et de comprendre. Quels sont vos désirs humains et spirituels profonds ? Sortez de la pièce et pénétrez dans la suivante. L'être qui vous reçoit est beaucoup plus lumineux que le précédent. Vous le percevez différemment car vous commencez à rentrer dans les vibrations de l'énergie de cette pièce. Vous commencez à sentir votre corps beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. Cet être vous pose la question : comment aimez-vous ? De quelle manière ? Demandez-vous si vous êtes généreux dans cet amour, si vous aimez pour vous ou si vous aimez inconditionnellement. Comment aimez-vous ? sortez de cette pièce et vous pénétrez dans la suivante. Deux êtres vous attendent dans ce lieu. La lumière est encore plus belle, plus éblouissante, et vous perdez de plus en plus de densité. Vous n'avez plus la conscience de votre corps physique. Vous commencez à réaliser que vous êtes énergie. Vous commencez à prendre conscience de l'être de lumière que vous êtes, de l'autre réalité de vous-même. Un des êtres dit : apprenez à vivre en symbiose, mais aussi en conscience, avec la totalité de ce que vous êtes. Apprenez à demander de l'aide à la pure énergie d'amour qui est au plus profond de vous-même, mais qui envahit aussi tout votre corps et bien au-delà. Sachez que vous pouvez tout lui demander, qu'elle accomplit des miracles pour vous, car vous, vous êtes elle, et elle, c'est vous. Vous êtes une seule et même réalité. Vous vous sentez parfaitement bien dans cette pièce. Il n'y a plus aucune limite dans le don d'amour. Il n'y a plus aucun frein. Vous vous réalisez dans la lumière. Vous êtes puissance infinie. Vous êtes amour universel. Vivez cet état dans votre corps, dans vos cellules, dans votre conscience humaine, dans votre conscience spirituelle, dans votre conscience divine. Vivez cet état dans votre totalité. Le chemin intérieur est fondamental pour que vous puissiez réaliser la fusion. Tout se passe entre vous et vous, mais tout se passe aussi entre vous en totalité, l'univers et toute vie. Maintenant, sortez de cette pièce et vous allez dans une autre. Elle est plus petite et toute ronde, inondée de couleur bleue. Un son très doux et très puissant fait vibrer toutes vos cellules. Même si vous ne l'entendez pas physiquement, vos corps subtils et même votre corps de matière le ressentent et l'entendent. Quittez ce lieu et passez dans une autre toute petite pièce éclairée d'une lumière blanche. Cette lumière vous pénètre en totalité. Vous êtes lumière. Toutes vos cellules, toute votre matière vibre dans cette lumière. Passez ensuite dans la dernière pièce. C'est une toute petite pièce où se trouve une magnifique lumière dorée. Cette lumière dorée, c'est l'amour universel. C'est la vibration de cet immense amour. Cette vibration imprègne toutes vos cellules et imprègne votre cœur et votre âme. Maintenant, vous vous retrouvez tous au milieu d'une magnifique sphère, immatérielle bien qu'existante, comme un vaisseau de lumière. Projetez tout l'amour qui est dans votre cœur physique, dans votre cœur spirituel, dans votre cœur divin, sur tous vos frères de ce monde. Imaginez que tout l'amour que vous projetez sur eux éclaire l'immense corps que forme l'humanité. Il vous sera aussi beaucoup demandé de travailler pour tous ceux qui partent, qui sont un peu perdus par ces départs parfois précipités. Avant de pouvoir réellement donner, avant que ce don ait la puissance nécessaire, il y a un travail comme celui-ci à faire. Visualisez-vous au centre de cette magnifique sphère et projetez l'amour sur votre mère, la Terre, sur toute vie et dans tout l'univers. Vous pouvez également projeter cet immense amour, cette merveilleuse énergie, sur les êtres qui vous sont chers et qui ont quitté le plan de la Terre. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous ouvrirez les yeux, vous serez en pleine forme et en parfaite santé, parfaitement détendu. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Forcemajeure.com, exercice de relaxation en ligne.